accent de Champigny et montagne d'entrain. C'est ce qu'on a, nous, un matin. Une montagne d'entrain. Une mountain adventuring. That's what we got. Bon, donc, vous le savez maintenant, vous êtes à Assemblage Requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. On construit votre journée à partir de matériaux de qualité, et ces matériaux-là s'en viennent plus tard à l'émission, c'est pas nous autres. Et des matériaux recyclés. Ah, c'est bien, on est bio, on est certifié FSC, c'est ça? Pas le choix. Face à claque. Face à claque. Face à claque. Parlons de face à claque. Parlons un petit peu avec François-Olivier Marchand dans notre série récurrente à partir de maintenant. Portrait d'animateur. Quelle classe ce matin! Bonjour! Bonjour! Ce sera pas comme ça trop longtemps. Calmez-vous les nerfs. Donc, François-Olivier Marchand qui est avec moi comme co-animateur à Assemblage Requis. Effectivement. Pour la première fois ce matin. Beaucoup de pression, en fait, d'animer avec vous, M. Plante. Mais merci. Vous êtes d'une qualité plutôt extraordinaire. Ouh! C'est un beau mot. Plutôt. Un long mot. Plutôt. Ah. Plutôt. Plutôt. Plutôt extraordinaire. Plutôt. Comme dans pas. OK. Bon, donc, François-Olivier Marchand, si vous reconnaissez sa voix, il a déjà fait des publicités ici assez fou parce que c'était le directeur des partenariats jusqu'à récemment. Exactement. En fait, j'ai fait des émissions aussi. Je sais pas si vous voulez en parler un peu plus tard ou... Oui, plus tard, après la okay. portion où tu es maintenant directeur général. OK. Oui, oui. En fait, je suis rendu ça. T'es rendu ça. On appelle ça ça. Donc, t'es avec nous comme un grand patron aussi, que juste animateur. Mais oui, exactement. Mais en fait, j'ai la chance de travailler avec des personnes qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup aussi qui travaillent bien. Tu en fais partie, en fait, Mathieu Plante, Alain Lefebvre, directeur de programmation, Danny Janvier, qui s'occupe de la production, de toute la production, en fait, la publicité, les ID, tout l'enrobage sonore, en fait. Tout ce qui est son. La station, oui, c'est ça. Et puis, c'est ça, vous avez beaucoup d'expérience. Je pense qu'on arrive aussi avec de nouvelles idées, numériser la discothèque, ce truc-là, changer un peu. C'est un vent de renouveau au lieu d'être un vent de rétro. On essaie parce que c'est ça. En fait, on a eu quelques difficultés auparavant, en fait. Là, à l'Isison de Campus, si vous voulez tous les détails, on vous emmènera pas trop longtemps. Ouais, non, c'est ça, exact. Je suis pas là non plus pour tout rappeler l'histoire. Là. Et puis, je suis remarqué aussi qu'on a un bon conseil d'administration aussi. Des gens, en fait, là, qui ont la radio à cœur et puis qui s'impliquent aussi. Donc. Je pense que même M. Fitzbin nous écoute en ce moment. Oui. L'homme, en fait, qui animait l'émission du matin l'année dernière. Gros travail, en fait. Il nous l'avait dit un peu. Je pensais pas que c'était si de bonheur. J'aurais dû y penser. Hein? Ben oui. Hein? Mais non, c'est pas pire. Puis il a fait un excellent travail aussi. On le félicite. L'année dernière, Simon Fitzbin, oui. On a des grands souliers à remplir. Oui, oui. Comme oui. on dit toujours, comme cliché, mais quand même, c'est pareil. T'sais. Exact. Il a fait une bonne job. OK, donc ça, c'est la portion professionnelle. Portion radio, pas professionnelle. Pas professionnelle, pas tout. T'as animé deux émissions. Vas-y donc. L'Alternative. Eh ouais, exact. Et les Petites Brous. Exact. Hey, mais attends, on oublie une. Attends, qu'est-ce que t'as? Ah, l'émission sur les poètes! L'émission, oui, de la poésie. Oui, excuse-moi. Oui. C'est ça? Je l'ai encore chez nous. C'est la troisième? Oui. Pas vrai? Ah, faudrait que j'en parle. Je pourrais l'écouter à soir avec ma copine. Oui, on pourrait la faire jouer aussi à radio. OK, bon, ça va faire. Ça va faire. Donc, t'as animé, c'est ça, deux émissions qui étaient au retour à la maison. Exactement, voilà. En fait. Exactement. Un peu comme moi, j'ai toujours été en après-midi ou le matin. Un long matin, bien de bonheur. Ben c'est bonheur. Le matin, c'est comme l'aube. Ouais, exact. Ouais. Non, un beau défi, en fait. Ouais. Je pense que ça va être quelque chose de bien. C'est sûr qu'il va falloir s'acclimater, ce truc-là. Mmh. Et puis... Je pense que les gens vont nous suivre et vont nous encourager avec des petits verres d'eau puis de café. Puis c'est comme quand on court une course. Une course, un marathon. Un marathon, un marathon. Jusqu'à 9h tous les matins. Du lundi au jeudi, en fait, c'est ça, le vendredi, on n'est pas là. Non. Mais le vendredi, si vous voulez écouter une bonne émission, il y aura classique. Oh yeah! Animé avec Alain Lefebvre. Et ça commence à 11h à partir de cette semaine. Exactement. Parce que Simon Fitzbin, dont on parlait, qui a animé l'émission du matin, la session passée, la session d'hiver, exactement. Va se greffer à Alain Lefebvre, pas littéralement pour la personne, mais son contenu à l'émission. Il n'a pas prêté un rein. Hein. Non, il n'y a pas d'échange d'organes nulle part là-dedans. Non. Pas signé dans la carte. Je ne sais pas si on signe dans la carte. Enfin. Faudrait leur demander. C'est ça. Bon, donc François-Olivier Marchand, bien heureux de t'avoir avec moi, puis c'était ton portrait d'animateur. Hey, mais, oui, merci, merci. Merci Mathieu. T'as-tu dit autre chose? Non. On pourrait faire la tienne? Un autre fois, ça serait long. C'est moi qui contrôle la musique, fait que si. Mais ça serait long. Ça serait long. Ouais. Plate aussi. Tu veux-tu nous énumérer en non, fait? Non, merci. Ça a une autre non? fois. Ouais. Tu veux que je le fasse? C'est bien plate en matin. On le fera plus tard dans l'émission, parce que ça commence à être long, le monde trouve ça plate. Donc, allons entendre un disque que tu as écouté cette semaine. Ah, exact. Ça m'a surpris. Oui, cette chanson-là est pour ma copine, en fait. Je sais qu'elle écoute en ce moment. Elle m'a appelé là, pour dire que j'étais bon, moi seul. Et non, en fait, c'est pour elle. Amélie, son prénom. Donc, on va écouter. Présente-les pas. On les présente après. OK. Vous êtes assez fou. Peux-tu l'envoyer promener pareil? Qui? Ta blonde. Promener? Elle a dit que t'étais... Ben... Elle a dit que t'étais bon puis j'étais pas bon. Elle a pas dit que t'étais pas bon. OK, elle a pas spécifié. Non, oh, non. Phew! Oh, oh! Je me suis fait frapper par un troc de bonheur. Ça a eu pour effet de laisser plein de beaux petits sourires dans mon cœur. Ça goûte bon le bonheur, ça goûte les petits chocolats. Pas mal plus fun que d'être en dépression grave. Ça goûte bon le bonheur, ça goûte le petit chocolat. Ça goûte bon le bonheur, ça goûte bon en tabarnak. C'est un goût qu'on trouve un petit peu partout autour de nous. Chicken Swell! Chicken, chicken, wow, wow! Wow! Avec la pièce, ça goûte bon le bonheur. Ouais. Très, très bonne pièce, en fait, le matin, là. Ça nous met de bonheur. It's delicious. Je pense qu'on n'a pas le droit de dire le mot fun et le mot de bonheur, par exemple, à cause d'un copyright d'une autre radio. Mais j'ai pas du fun. Non. Mais je t'avertis tout de suite. Fait que. T'as peur, ouais. Hey, Colin, il strict, le gars! Hey, boy, boy! Au retour, on reçoit Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori à Assemblage. Requis, qui est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Jusqu'à 9h, c'est fou. C'est chaud. Dans vos oreilles. Oreilles. Jusqu'à 9h, vous écoutez Assemblage requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Such Great Heights. Le service postal. Postal Service. Très bonne chanson. En fait, j'ai toujours rêvé d'entendre cette pièce-là le matin dans une émission de radio. Sérieusement. C'est déjà je trouve que ça porte très bien la journée. Mm. C'est ça, c'est fou. Ça paraît que t'étais le gars des pubs, t'as les slogans, c'est cute. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, c'est l'émission qui construit ou bâtit votre journée à partir de matériaux de qualité. Recyclé. Recyclé. 100% recyclé. Approuvé par les différents orifices de office de... En tout cas. Donc, Assemblage Requis maintenant, ben notre premier morceau officiellement dans la version matinale d'Assemblage Requis, c'est Stéphanie Gagné. Voici ton plat favori. On n'entendra jamais assez parler d'office. D'office, qu'on dit, hein, Stéphanie? Office. Office. Donc, Stéphanie Gagné qui a animé avec moi Assemblage Requis cet été. Et puis là, ben, elle est de retour dans sa chaise de chroniqueuse. Oui, pour faire mon plat favori, comme à toutes les semaines, à Assemblage Requis, dans le fond. Et dans cette chronique-là, tu me présentes tes coups de cœur artistiques, culturels, musicaux, logiquement graphiques, et autres choses que tu aimes, finalement. Oui, en effet. Et cette semaine, j'ai un groupe qui s'appelle Best Coast. C'est un groupe californien avec Bethany Consentino, Bob Bruno et Ali Kohler. C'est un groupe rock, garage, californien, vraiment surf. C'est super bon. Ils ont trois hippies. Ils ont Make You Mine, sorti en 2009, Where the Boys Are, aussi en 2009, et Something in the Way en 2010. Et ils ont sorti un album complet cette année, Crazy for You, le 27 juillet. Et il y a une chanson que j'ai vraiment aimée, elle est vraiment drôle. C'est la pièce When I'm With You. Le clip est vraiment drôle. Il y a une imitation de Ronald McDonald. C'est vraiment, c'est n'importe quoi. C'est vraiment un petit clip cheapo, là, mais c'est vraiment cool. Puis aussi la pièce Boyfriend qui est super bon et qui était nommée par Pitchfork une des meilleures nouvelles chansons de l'année. Alors, c'est ça. Mais moi, c'est When I'm With You que j'ai vraiment accroché. Alors, c'est cette pièce-là. De qui? Best Coast. Best Coast. Ouais, Best Coast, comme dans la côte. La meilleure côte. Les côtes levées? Non? Non, Mathieu comme dans Plante. Côte Est, Côte Ouest, Californie. East Coast, West Side, Exhibit Represent. Ça, c'est Pimp Mon Char, je pense. Alors, c'est ça, on va aller écouter When I'm With You, The Best Coast. Assemblage requis dans le bloc ton plat favori. Eh oui. Ce ne sera pas moins insignifiant le matin, François. Malheureusement. C'est ça. Yeah. vient d'entendre When I'm With You de Best Coast, qui était mon plat favori de la semaine. Très tranquille, rock, garage, très lazy, qu'ils disent. Lazy? Ouais. Oh. C'est, ils ont appelé ça du California Lazy Surf, de quoi de même. OK. Bon. Il en a sorti des noms. Ouais, n'importe quoi, comme le cramp, là. Le cramp? Cramp. Ah non, mais cramp, c'est connu. C'est cool, ouais. C'est cool. Bon, c'est fini. Donc, ça, c'était ton plat favori. Moi, j'ai mon dessert pour t'accompagner, comme toujours. Cool! Pour le repas. C'est moi, Niaiseux, c'est juste, vous allez le voir partout dans quelques jours, sûrement, ou si c'est pas déjà fait, peut-être. C'est le petit chat qui joue à Duck Hunt, regarde. Le petit chat. Il y a quelqu'un qui joue à Duck Hunt. Tu sais, le jeu où tu chasses des canards avec ton fusil, là. Le petit poutou dans la télé. C'est tellement n'importe quoi comme dessert. Il a trouvé ça sur le coin dans les dernières 10 secondes. T'sais. Il a pas planifié ça pendant tout. Voire même que je pense qu'il l'a inventé, là, mais. C'est en bataille. Donc, merci Stéphanie. Merci Mathieu pour ton dessert exquis. Merci. Exquis. On va te retrouver. C'est pas les mardis, étrangement, parce que là, on est mardi aujourd'hui. Tu sais, là. Mais ça va être les lundis. Ta oui, lundi. À Assemblage requis. Assemblage requis. C'est à 8h30, ça? Oui, 8h30. 8h30, lundi. Bon. C'est parce qu'on n'avait pas d'émission lundi cette semaine. Non, c'était férié. On commence ça sec, nous autres, pas mal, tu sais. Boum, jour de congé, t'sais. Ouais. Comme... Ben, ça part bien, t'as vu? Ouais, oui. Ça part bien. Hey, hier, c'était en fait la course de canot. Oui. Oui, avez-vous assisté à ça un peu? Non, du tout. Non? J'ai assisté, en fait, j'étais allé chez un de mes oncles, en fait, là. Dans lequel? La parenté. Jérôme, en fait, le frère à mon grand-père. Jerry. Jerry. Exactement. En fait, c'est ça, j'ai assisté à la course comme ça. Ça fait 2-3 années, en fait, que je vais là. Chose remarquable que j'ai vu un rabasca chaviré. Ah, ouais? Ouais. Et puis, les gens se sont comme éparpillés dans l'eau. Mais c'est sûr qu'ils avaient leur veste de sauvetage, là, mais ouais. L'équipe s'appelait les Fougueuses. C'était toutes des filles, en fait. Wow. On aurait dû les commanditer. C'est fou, ça aurait pu être les Fougueuses. C'est fougueuse, ouais, mais chavir. Ah, on n'a pas le goût de chavir. C'est un peu notre genre, tu sais. Ouais. Non. Non. Mais une belle course, en fait. Belle température aussi. Il a fait beau, il faisait chaud. Hein. Il y a un petit vent, là, mais. Non, très le fun, en fait. Belle activité dans la région avant de recommencer la rentrée, là, ce truc-là. Là, ça divertit. Tout à fait. C'est une petite péripétie ici. J'allais dire une chance qu'il n'était pas aujourd'hui, là, le truc de Rabasca. Et t'as what, non? Hein? Ça va faire, vous êtes toujours Assemblage Requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées jusqu'à 9h en compagnie de François Olivier. Matinal. Matinal. Matinal. Matinal. Ah, ok, ben ouais, si tu veux. Ça, c'est de mon calibre, ça. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Je devrais trouver ça drôle par théorie, en théorie, mais ouais. En pratique. Peut-être parce que c'est toi qui l'as pas sorti. Ça, je suis jaloux. J'adieu. Parle à ma main. On va entendre Gaël, voici Donnant Donnant à Assemblage Requis. La nuit donne le jour, un jamais prend toujours. La musique donne le son, mais prend aussi le bout. Quand les mots donnent le ton, le bavard prend le tout. Donne ta vision des faits ou prends tes jambes à ton cou. La nuit donne le jour, un jamais prend toujours. Tu donnes sans compter, mais prends sans tenir compte. Ne prends pas pour acquis tout ce qui se donne, mais allez prendre ma main puisque je te la donne. Tout est prenant le vent, tout est comptant, recours, argent, temps et amour. Tout ce qui se donne se prend. Même si donner sans compter, c'est donner sans retour. Argent, temps et amour. Tout ce qui se donne se prend. Donne, donne, mais pour donner faut prendre. Est-ce qu'au donneur on pardonne s'il désire se le faire rendre? On donne, donne, mais pour donner faut prendre. Est-ce qu'au donneur on pardonne s'il désire? sentir, désir seul faire rendre. On donne, mais pour donner, pour prendre. Est-ce qu'on honneur, on pardonne-t-il, désir seul faire rendre. On donne, mais pour donner, pour prendre. Est-ce qu'on honneur, on pardonne-t-il, désir seul faire rendre. Assemblage Rocky est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Strings that The New Pornographers, la pièce Your Hands Together, précédée de We Need Your New Transportation de Winter Gloves, deux excellentes pièces. Assez fou en ce moment en anglophone. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Notre première heure est terminée. Oui, il y en a une autre qui s'en vient tout à l'heure. Oui. Oh, il va y avoir Maxime Lemulaire-Amé. Avec sa chronique. Télécharge quoi? C'est mystérieux son affaire. On a aussi la chronique plein air d'Émilie Gauthier qui s'en vient. Elle va nous parler de tente. Comment choisir sa tente? C'est son spécial camping qui continue. Mais pour l'instant, on écoute l'Info Campus. Et puis, on revient après. Bye. Bye. Bye. Voici maintenant votre capsule InfoCampus. Le Bureau de la réussite étudiante récidive avec le cours Réussir ses études. Catherine Terrien, directrice du Bureau de la réussite étudiante, explique en quoi consiste le cours. L'objectif du cours, c'est vraiment de permettre à l'étudiant de bonifier ses stratégies d'apprentissage, ses méthodes d'études, la gestion de soi. Quand on parle de gestion de soi, c'est gestion du stress, mieux se connaître pour apprendre, tout ça, des choses comme ça. On a un bloc sur les méthodes de travail. Donc, c'est le bloc qui est habituellement le plus apprécié. Prise de notes, rédaction de travaux, gestion de travail d'équipe, communication orale. Et on fait aussi un survol d'utilisation optimale d'outils technologiques. À la suite du cours, une bourse universitaire équivalente à 2 crédits est déposée dans le compte UQTR de l'étudiant. La bibliothèque de l'UQTR offre aux étudiants de l'UQTR 3 types de formations. La première est une initiation à la recherche documentaire qui est offerte du début septembre à la mi-octobre, dont l'objectif est de permettre aux étudiants de se familiariser avec les principaux services et les principales ressources à la bibliothèque. La deuxième est une formation spécifique pour les étudiants étrangers. Monsieur Benoît Séguin, directeur de la bibliothèque, nous explique. C'est un nouveau module de formation qui est offert 2 fois, une fois en septembre, une deuxième fois en octobre, et notre objectif, c'est de permettre aux étudiants étrangers de développer des compétences informationnelles en utilisant de façon optimale les ressources qu'on offre à la bibliothèque, sachant que plusieurs d'entre eux, parfois, n'ont jamais eu accès à une bibliothèque dans leur pays d'origine d'un niveau universitaire. Finalement, la bibliothèque offre aussi des formations complémentaires spécialisées qui sont généralement offertes dans le cadre d'un cours en collaboration avec les professeurs. La Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières tiendra son camp de recrutement pour la saison 2010-2011 au pavillon Michel Sarrazin le 20 et 21 septembre prochain. Tous les gens intéressés sont invités à participer au camp, comme l'explique Louis-Étienne Villeneuve, vice-président aux communications de la LUITRE. Le camp se déroule en 2 journées. La première journée et la deuxième, c'est pas obligatoire d'assister aux deux. Donc, l'un ou l'autre, on a des formateurs expérimentés de Trois-Rivières qui jouent dans la LIM la Ligue d'improvisation mauricienne, qui vont venir donner des ateliers. C'est une formule très, très conviviale. Nous, on utilise beaucoup plus le terme camp de recrutement parce que, justement, il n'y a pas de pression. C'était votre capsule Info Campus. C'est fou, c'est comme faire une course avec un nain. C'est sûr de gagner. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Ah, je me suis juste permis de le remettre pour ceux qui l'ont pas entendu à 7h. Je suis de même, moi. Je suis un gars de même. J'en donne. T'en donnes tout le temps. Bon, donc, bon retour sur la deuxième heure d'Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées avec François-Olivier Marchand. Et Mathieu Plante. C'est vrai que tu le chantes, par exemple. Quoi, ton nom? Mathieu Plante. Oh, soap-opéra. souvenir. bon, donc, je vous l'avais dit tantôt, on a plein de morceaux dans cette émission-là et un autre gros morceau. Monsieur Laramé? C'est Monsieur Laramé. Des fois, je mettais cet extrait musical-là cet été juste pour penser à toi, Mathieu. Ah, t'es fin. C'est ta musique mystérieuse d'outre-tombe, dont on t'a enlevé, c'est et pas banal, etc. C'est plus mystérieux. Non, c'est plus mystérieux. C'est fini, le mystère. C'est fini. Comme du caramel, on t'a découvert. Ça va bien, tout le monde? Tout le monde ici? Oui. Est-ce qu'on sait? Et vous? Est-ce qu'on sait qui est ici? Je l'ai pas dit, je pense, depuis tantôt. Secrets, ou... C'est ça. Stéphanie Gagné est toujours là. Ah, okay, oui, c'est ça. Toujours. C'est ça que je me demandais si on avait le droit de le dire ou si... On a le droit. On avait le droit d'intervenir. Oui. Ouais. Okay. François-Olivier Marchand, tu le connais, c'est le nouveau co-animateur de l'émission. Ça va? DG, c'est fou. Salut. sois pas trop bête avec par exemple, le matin. Ben non, mais non. Comment ça va-tu bien le matin? Oh oui, ça va bien. Ça commence. Ça va bien. C'est Mathieu, en fait, qui a eu un peu de difficulté, je pense, un matin. Ouais. Tout allait tellement bien, j'avais tout prévu au quart de tour. J'avais vraiment tout prévu, tu sais, comme pour que ce soit parfait un matin, puis là, je trouve pas mes clés. Pour la première fois de ma vie. Pas de portefeuille, pas de clés. Pour la première fois. De chez vous ou. Ouais, de chez nous. Okay, ouais, ça, c'est... Ben, il y a mes clés de la job dessus aussi. Ouais, c'est ça. Ben, je pensais que t'étais dans ton bureau, puis tu ne trouvais plus rien. Non, c'est ça. Pas été super. Bon. Donc, tu nous présentes toujours ta chronique ouais. Télécharge Quack sur tes découvertes musicales de la semaine. Toujours trois affaires. Hein? Ouais, trois affaires, trois trucs à découvrir. Là, en fait, j'ai décidé de plus revenir sur mon été et puis, mentionner un peu qu'est-ce que j'écoute ces temps-ci. Mais je vais présenter trois artistes que j'ai vus à Oceaga au début du mois d'août puis que j'ai vraiment aimé leur prestation. Donc, je voulais commencer avec The National, band que j'adore, que j'ai découvert vraiment avec Boxer, l'album Boxer en 2007. Là, j'avais plus ou moins des attentes avec High Violet, qui est sorti au début du mois de mai dernier, parce que je me disais, bon, c'est sûr que je pourrais jamais être aussi conquis qu'avec Boxer. Puis finalement, je l'écoute de plus en plus depuis quelques temps. Il était à Oceaga, c'était l'avant-dernière prestation, juste avant Arcade Fire. Puis c'était excellent, tu sais. Je pense que j'avais même pas hâte à leur prestation tellement que je me disais, ah, tu sais, le nouvel album, je le connais pas tant que ça. Finalement, ils ont commencé avec des tunes de l'album Boxer, puis je suis tout de suite embarqué, là. J'ai vraiment comme. J'étais avec 4-5 amis, puis j'ai fait comme. Bon, on y va-tu? Puis les autres étaient comme un peu veg, là. Moi, je suis rentré dans la foule, je me suis comme. Je suis parti tout seul pour essayer de m'avancer le plus possible, puis j'ai vraiment trippé, c'était vraiment excellent. Ils ont vraiment fait comme la moitié de leur tune. De Boxer, puis l'autre moitié de High Violet. Alors, comme je disais, ces temps-ci, j'écoute pas mal le plus récent album. Là, j'ai décidé, bon, de. C'est sûr que des fois, c'est un peu plus calme, un peu plus mellow, The National. J'ai décidé de prendre l'extrait qui bouge le plus de l'album, mais c'est peut-être pas représentatif, là. Alors, on écoute ça. Tout le monde, vous connaissez pas mal. Toi, je sais, Steph. Ouais, moi, je connais The National. Moi aussi, c'est avec Boxer, mais j'ai acheté les deux albums avant Boxer. Ah ouais, ils sont vraiment bons. Même celui avant Alligator? Parce que Alligator, ouais. Je pense que c'est comme celui qui ressemble le plus au band. Puis avant, j'ai pas de temps à écouter, mais on me dit que c'est moins The National qu'on connaît présentement. Ouais, c'est vrai, ça ressemble pas pantoute à Boxer. Boxer, c'était le meilleur. Tant ouais, Boxer, c'était excellent. 2007, Boxer. Mais là, on va écouter. Bobette, non. Bobette. Boxeur, Babette. Oh, j'avais oublié que tu faisais ça. c'est une joke de matin, puis c'est une joke de mon oncle. De mon oncle de matin. Notre assemblage requis, hein? C'est Blood Buzz Ohio de The National. Stand up straight at the foot of your love. I lift my shirt up. Stand up straight at the foot of your love. I lift my shirt up. I was carried to Ohio in a swarm of. I never married, but Ohio don't remember me. Lay my head on the hood of your car, I take it too far. Lay my head on the hood of your car. Take it too far. I still owe money to the money, to the money I owe. I never thought about love when I thought about home. I still owe money to the money, to the money I owe. The floors are falling out from everybody I know. I'm on a blood buzz. Yes, I am. I'm on a blood buzz. I'm on a blood buzz. God, I am. I'm on a blood buzz. Carried to Ohio in a swarm of bees. I never married, but Ohio don't remember me. I still owe money to the money, to the money I owe. I never thought about love when I thought about home. I still owe money to the money, to the money I owe. The flows are falling out from everybody I know. I'm on a blood buzz. Yes, I am. Yeah, I'm on a blood buzz. I'm on a blood buzz. God, I am. I'm on a blood buzz. Blood Buzz Ohio, la formation de National, de leur album I Violet, leur dernier album. Mm-hmm. Qui est sorti quand, cet album-là? Sorti mai, le 10 mai de dernier. De 2010? 2010, exact. Alors, deuxième artiste. Toujours dans la chronique Télécharge quoi, faut le rappeler aussi. Hein, le matin, ouais, le monde sont pas au courant. Télécharge quoi, donc la musique, la chronique sur la nouvelle musique présentée par Maxime Lemieux-Laramé. C'est ça. Le meilleur des Laramé ou encore Max. Maxi Max. Cool. Cool. Cet été, j'étais Athletic Max. Ah, oh, ouais? Ouais, c'est le surnom que je me suis donné. Non. Parce que tu t'entraînais. Non, pas du tout. Non. C'est que je sais pas pourquoi je viens de parler de ça. À la radio, non, en fait. Non, ouais, c'est ça. Mais avec des amis, on faisait beaucoup de sport. Puis je sais pas. Mais c'est super intéressant, ça. Donc, deuxième artiste. Ouais. Passons à un autre sujet. Alors, ouais, c'est ça. Edward Sharp and the Magnetic Zeros qui ont sorti leur premier album l'été dernier. Qui vient tout juste de passer. Non, 2009, ouais. Ah. Juillet 2009. Puis, on m'en avait un peu parlé, puis j'étais vraiment pas embarqué. Là, j'ai vu qu'il était bon à Oshiaga. J'ai acheté le CD. Je l'ai écouté un peu avant d'y aller. Vraiment pas tant que ça. Puis c'est vraiment après leur performance là, que je me suis dit, ah, tu sais, ça, c'est quand même pas pire. Je vais le réécouter. Puis finalement, il y a comme. La moitié des tunes sont excellentes. C'est un groupe un peu étrange. Ils sont presque une dizaine, je crois, sur le stage. Pas mal très hippie. Le pas chanteur, hipster, le hippie. Non, hippie, okay. Ouais. Hippie, années 60-70. Le chanteur, il ressemble vraiment à Jésus, Jésus-Christ. Le vrai. Le vrai Jésus-Christ, là, il y a 2010 ans. Là. Alors, ouais, c'est ça. Edward Sharp de Magnetic Zeros. Il y a une chanson là, de l'album que c'est pratiquement sûr que vous l'avez déjà entendue. Je pense qu'elle joue dans une pub du parc aquatique Bromont, chose comme ça. Ah, oh, ouais. Okay. Donc, c'est pas elle que j'ai choisie. Je pensais pas que c'était rendu une référence en termes de chanson. Ouais, c'est ça. Okay. Alors, moi, j'ai choisi 40 Daydream. Alors, c'est issu de leur plus récent album Up From Below, que je conseille fortement. Alors, on va l'écouter, Edward Sharp and the Magnetic Zeros. Où ça? Assemblage requis, jusqu'à 9h. Oh. Oh! Présenté par... Service aux étudiants. Wow, tu capes, wow! Et puis... La Banque Nationale. Hein? Non? C'est ça le matin. C'est ça le matin, c'est sexy. Wow. Sexy de même. Tu sais, le matin, tu dis comme... le matin, des fois, tu... Là, tu penses, puis là, tu fais comme... On va s'arrêter de parler. Edward Sharp and the Magnetic Zeros. Excellent. On a entendu la pièce 40 Day Dream de leur album de 2009. Leur seul album de 2009 et en carrière qui s'appelle Up From Below. Alors, c'est ça, c'est mon groupe de hippie préféré. Toujours dans le bloc Télécharge quoi de Maxime Lemularamé où il nous parle de ce qu'il a découvert musicalement ou ce qu'il aime en ce moment. Là. C'est comme. Ouais, c'est à peu près ça. C'est ça, hein. C'est pas tout le temps des nouveautés. Ouais. Non, non. François, non. Tu penses pas que c'est des jeux des nouveautés? Non. Capote pas, là, François. Non. François, calme-toi tout de suite. Ça, je fais. Là. Bon, OK. Avant que je dispose, je vais parler du plus récent album de Arcade Fire. Mm-hmm. Je sais pas ici, là, dans la salle, dans la pièce, dans le studio. Pièce qui est encore composée de Stéphanie Gagné, juste pour vous ouais. dire. Oui. Adore pas encore. Je suis là. Je sais pas, tu sais, moi, Arcade Fire, c'est un de mes groupes fétiches. Ouh. Mais tu sais, c'est le genre de groupe que je sais que je vais écouter encore peut-être dans 15-20 ans. Je sais pas. Tu sais, il y a des groupes comme ça, là, pour certaines personnes. Tu sais, peut-être qu'il y a du monde qui se disent, moi, Coldplay, je vais écouter ça encore dans 40. 20, 30, 40 années. Là. Quand on aime, on regarde pas l'âge. Là. C'est ça. Exactement. MILF. Donc, oui. Je trouve que le dernier album d'Arcade Fire, c'est le genre d'album que j'ai toujours écouté. The Suburbs. Album épique, selon moi. Épique. Ouais. Wow. Qui, tu sais, c'est ça qui est différent du début jusqu'à la fin. Là. C'est pas linéaire. C'est pas monotone. Tu sais, c'est... Ça change. Puis aussi, là, tu sais, j'en ai déjà parlé là, il y a quelques années ici. Non, mais l'année passée, je pense. Ouais. Mais je trouve ça cool, un groupe qui a plusieurs chanteurs. Tu sais, là, des fois, c'est Win Butler, des fois, c'est sa femme, Régine Chassagne, qui chante. Ça, je trouve ça cool, tu sais, que ce soit pas toujours la même voix qu'on entend. Surtout que cet album-là a 16 chansons, c'est quand okay. même beaucoup, 16 chansons. Fait que ça soit modifié des fois la voix, je trouve ça cool. On va écouter la pièce Rococo, la pièce que j'ai aimée dès le début, première pièce qui m'a accroché. Alors, c'est ça, The Suburbs Arcade Fire, on écoute ça tout de suite. Télécharge quoi, assemblage requis, c'est fou. Maxime Lemieux, la remède. Stay. Alors, c'était Arcade Fire avec la pièce Rococo de leur plus récent album The Suburbs qui est sorti début du mois d'août. Ce dernier mois d'août. Celui-là qui vient de se terminer l'autre à peine. L'autre d'avant, celui-ci. Là. Okay. Non, mais 2010. Je parlais de moi. On est au mois de septembre. Ah, le mois, ben oui. C'est vrai. Alors, c'est ça. Moi, je vais quitter. Là. Je suis tanné. Tu t'en vas tout de suite? Non, c'est pas vrai. Je suis pas tanné. Non, c'était bien cool. Puis on se reprend. Alors, on n'est pas sorteux. Hein? Non? Le matin, en tout cas. Le matin, on est ici. Puis cet après-midi, qu'est-ce que vous faites? Cet après-midi, on s'en va sous la tente. Ben, sur l'heure du dîner. En fait, okay, on tient un kiosque pour en fait, le dîner d'intégration de l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est de quelle heure à quelle heure, ça? Bonne question. En fait, nous, on va être là à partir peut-être de 11h, 11h30 à 1h30, certainement, 2h. Parfait. Bon, je vais peut-être passer vous dire salut. Manger des rotures. Ouais, c'est-tu gratuit? Moi, je pense que oui. Tabarnak, je suis sûr que je... C'est pas vrai. Okay, je suis sûr qu'on va le voir. Adieu. C'est comme un appât. Quelle appâche. Quoi? Mais ma musique. Tu veux que je mette ta musique plus forte? Quoi? Non, de d'outro. Ben là, il veut s'en aller. Colin, tu m'en demandes des affaires, là. C'était spécial. C'était rendu ton fond. Moi, j'ai 5 tonnes, moi. OK. Celle-là? Ouais, celle-là, c'est correct. C'est correct? Ouais. C'était quoi tes autres? Celle-là, c'était pas... Ben, les 3 tonnes que j'ai présentées. OK, fait que, officiellement, tu m'énerves. Fait que, on se retrouve mardi prochain à 8h dans Assemblage Rock. Yes. Alors, bye, Maxime. Merci. Merci, Maxime. De rien. Toujours Assemblage Rock, l'émission matinale en pièces détachées, en compagnie de François-Olivier Marchand. Et Mathieu Plante. Et puis, tout à l'heure, ce qui s'en vient, il y a la chronique d'Émilie Gauthier. Sa chronique plein air sur les tentes. On va apprendre enfin comment aller camper sous la pluie. Oui. C'est le moment ou jamais, là. Hein? Et l'hiver, peut-être. Peut-être. Ouais. Qui sait? Et il y a aussi la chronique CNX qui s'en vient tout à l'heure. Mais pour l'instant, voici Tokyo Police Club avec Breakneck Speed au 89.fm. C'est fou dans vos oreilles! Et c'est présenté par le Service aux étudiants et la Banque nationale. Passez proche de le rentrer dans le temps. Il est un peu tard, là. De plus en plus, hein. C'est fou 89.1. Nouvelle génération. Vous êtes assez fou. Vous écoutez Assemblage requis sur C'est fou. Toujours à l'émission matinale en pièces détachées avec François-Olivier Marchand. François-Olivier Marchand. Et? Et Stéphanie Gagné. Ah! Hey, elle vient de se réveiller. Réveille, ouais. Stéphanie, réveille. Bon. Et dans le coin en boule. Ouais. En train de ronfler. Prochaine fois, je porte mon oreiller. Mmh. Non, non, non, non. non. Bon, le boss, non. Normalement, je demande à Stéphanie la question. Tu te rappelles Émilie Gauthier? Oui. Ouais, mais je l'ai demandé à François, tu te rappelles Émilie Gauthier? Oui. Elle devait faire des chroniques plein air à l'émission. Oui. Et là, ben, elle n'est pas là depuis quelques semaines, mais elle va être de retour à partir de la semaine du 21 septembre. Pas les tentes. Avec de toutes nouvelles, oui, c'est ça, avec de toutes nouvelles chroniques dès le 21 septembre dans ces coins-là. Mais là, on a encore des vieilles chroniques sur le camping, sa série continue. Voici la première partie de comment choisir sa tente. Okay? Sa tente. Sa tente. Non, pas son... Ah, c'est la pire, celle-là, parce qu'il y a plein de jokes de tente, là. Non. C'est insupportable, tu vois. Insupportable. Pour moi, là. Il va oublier des noms de chronique de temps en temps, mais on ne faut pas y en vouloir. Ça m'arrive régulièrement, en fait. Ouais. Donc, bonjour, Émilie. Allô. Aujourd'hui, tu nous parles de ta tante l'abri, si j'ai bien compris. Mais non, Mathieu, non. C'est pas ça. Je trouvais que ça n'a pas de sens. C'est plus qu'Iwan qui m'a fait remarquer que comment ça fait que tu as une tante l'abri si tu t'appelles Émilie Gauthier. Mais ça pourrait être du côté de ton. C'est ça, ça pourrait être comme la femme du frère de mon père. Ben, c'est ça. Ça aurait pu. Fait que ça n'a pas rapport qu'Iwan était dans le champ complètement, parlant de champ. Le champ, ah! Tu peux monter une tente dans un champ! Mais oui! Une tente, ça se monte n'importe où. Non, le Mathieu, là... On n'a pas fini, hein, les Mathieu, jeux de mots grossiers. Je vais te faire une description. Aujourd'hui, on ne parle pas de la personne physique. Une tente, là, c'est un petit abri pour passer la nuit en plein air. Un refuge, un petit chez-soi qu'on plante où bon nous semble. Ben, il y a quelque chose de lubrifié, oui. Entre deux bouts de randonnée ou un camping. Même avec ta description, ça s'applique aussi à une tente, hein. Je sais pas si t'as remarqué. Ben là, un petit abri pour passer la nuit en plein air. Petit abri pour... Ben oui. Un petit abri pour passer la nuit en plein air. Je pense que c'est désespéré comme cas. Ça, en tout cas. Ça dégage la chaleur quand même. Oui. C'est confortable. C'est chaud. C'est une ouverture. Ça éloigne... Ça attire les ours. Ça sent le miel. C'est collant par moment. Non, mais tu sais, quand même, dis-toi, Émilie, si on les sort toutes au début, après ça, tu vas avoir la paix pour le reste de ta chronique. Vas-y, continue, moi. Je pouvais pas ne pas venir, là. Tu sais, l'ouverture de la tente était très large, très lousse, très slack. C'était pour toi, cette chronique-là, aujourd'hui, je pense. Je l'apprécie énormément aujourd'hui, je te dirais. Ouais. OK. On va essayer de commencer, puis on va essayer de se rendre jusqu'au bout. Il n'y a pas de garantie là-dessus. On prendra une pause dans le milieu pour décompresser un peu. OK. Oui. Pour bien choisir son abri. J'aime ça. Ça va être pas pire, hein? Faut se demander, premièrement, où est-ce qu'on va en faire, quand est-ce qu'on va en faire, puis comment on compte l'utiliser, combien de personnes. Combien de personnes vont entrer à combien l'intérieur? Combien de personnes y prendront place et quel est le budget de Stéphanie? Wow! Hey, une après l'autre, hein? Clac, clac, clac, on se rendra jamais à la fin avec ça. C'est garanti. Mais là, Émilie, c'est toi qui fais exprès quand même. Vraiment. En écrivant ton texte, tu pensais pas à tout ça, toi? Non, pas. Mets ta feuille devant ta face. Oui, c'est ça, je te regarderai plus, là, peut-être moins rire. OK. Je suis pas capable. Est-ce que c'est une tente 3 ou 4 saisons? Comme... Ah, désolé. On se rendra jamais jusqu'à la fin. J'aurais jamais dû faire ça. OK. Il savait en plus à l'avance avant de l'écrire, le problème. Quelqu'un a des mouchoirs. Je crois qu'on est tous en train de pleurer de rire ici. Ouais. C'est mouillé. Je vais te lire ton texte. Pense-moi ton texte, je vais le lire. Non, c'est vrai. OK. En premier lieu, il faut déterminer la période de l'année où est-ce qu'on compte l'utiliser. Vraiment, une tente de 3 saisons, c'est faite pour pour le quoi? C'est faite pour le... printemps, été, automne, tandis qu'une 4 saisons, c'est ça va être plus hiver parce qu'il y a des arceaux qui sont renforcés, qui vont supporter le poids de la neige. Donc, c'est un modèle qui est un peu plus dédié à ceux qui désirent faire du camping d'hiver. Encore une fois, ce modèle-là serait conseillé aux campeurs aussi qui explorent des lieux plus rudes. ou est-ce qu'il y a des intempéries plus extrêmes parce que les tentes sont plus solides, plus chaudes, puis sont faites plus résistantes, la ventilation est réduite, donc on conserve la chaleur. Ça, on fait forte. Oui. Ouais. Il y a aussi des formats familiaux dans lesquels on peut tenir debout. Mais c'est des tentes qui sont un peu plus lourdes puis encombrantes. Fait qu'on les utilise plus dans un cadre créatif. Wow! Hey, c'est pas facile. La maturité aujourd'hui est vraiment là. Ça n'a aucun sens. Je pense que je vais réécouter la balado-diffusion puis je vais pleurer encore. Oui. OK. Forme et conception. On distingue les modèles. Il y a des modèles qui sont faits en A. Qui, c'est des modèles plus vastes qui, non, je dirais pas, plus faciles à monter. C'est comme ça qu'ils sont faits en forme de quille, ça. Hein? Ah, ça, c'est l'autre. Forme chose. De A, tu sais, c'est vraiment un prisme à base triangulaire. Ah! Ouais, c'est pas bien. On cherche ça du primaire. C'est un petit peu plus lourd, puis ça manque d'aérodynamisme. Mais dans le fond, c'est juste que ça prend moins de place aussi si on dort un ou deux. C'est juste tout petit. On dort là-dedans, on rentre notre backsack. Ça rentre à peine, là. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est bon. C'est un petit format. Serré, mettons. L'avantage principal de ce modèle-là, c'est que on peut l'utiliser n'importe où. On peut la déplacer au besoin parce qu'elle n'est pas ancrée au sol. Fait qu'on peut juste la prendre. Ça, le mouvement est facile. Oui, c'est ça. Puis un coup qu'on a vraiment choisi, là, on utilise nos ancrages pour éviter qu'elle parte au vent. Bien sûr. Une page. C'est fait, OK. Page 2, Gilling Gilling. OK. Une ou on deux. On parle toujours des tentes en passant. La tente. L'abri. Là. L'abri. La tente, l'abri. Oui. Une ou deux parois. C'est vraiment... Ça dépend vraiment des besoins de chacun. André, je suis pas encore capable de me concentrer aujourd'hui. Prends-toi, t'en. Ah, OK. Il n'y a pas beaucoup de tentes qui sont disponibles sur le marché avec une seule paroi. Ça, c'est vraiment pour ceux qui partent en randonnée, qui veulent vraiment que ça soit légère et que ça prend pas de place. Mais c'est plus coûteux et c'est plus facile à ventiler parce que justement, il n'y a pas de double toile, la toile intérieure faite en filet. Faut vraiment c'est vraiment pour des besoins spécifiques. C'est pas du tissu technique, c'est haute qualité, impair respirant. Fait que c'est plus... C'est quasiment un manteau. Il faut vraiment magasiner. C'est plus des besoins spécifiques. Moi, c'est ça l'utilité, là, si on parle vraiment d'abri. Là, je vais quand même mettre un peu de sérieux là-dedans. C'est bien. c'est vraiment pour quelqu'un qui fait de la randonnée, la longue randonnée, qui veut avoir quelque chose de léger. C'est ça. Très léger. C'est pas coûteux. C'est plus coûteux parce que justement, il y a une couche qui fait la job de deux épaisseurs habituellement. Okay. Fait que c'est vraiment pour des besoins plus spécifiques. C'est pas ce que monsieur, madame, tout le monde achète pour aller faire du camping sur un site avec carte service. Okay. C'est plus spécifique. C'est de luxe. Ben, c'est pas de luxe, c'est juste comme... C'est pas ce que tout le monde... Ouais, c'est plus performant. Mm. C'est vraiment ce que... Tu peux l'utiliser, si tu veux, pour faire du camping avec du 4 services, mais c'est parce que côté ventilation, t'es mieux d'aller chercher une 2 épaisseur parce que, dans le fond, la 2 paroi, t'as une paroi que c'est juste un grand filet. Fait que ça respire. Puis la 2, t'as une deuxième paroi qui est genre un imperméable que tu rajoutes par-dessus. Fait que ta circulation se fait entre les deux toiles. Puis elle se fait aussi, tu peux l'utiliser à air ouverte là, s'il pleut pas. Tandis que celle à une paroi, c'est à celle de ventilation, est imperméable. C'est elle qui laisse évacuer aussi l'humidité. Fait qu'elle fait comme toute. Fait que c'est vraiment plus spécifique à quelqu'un qui veut pas être encombré. Il y a des toiles que c'est plus... Des tentes de couchage que... Ouais, des tentes de couchage. Des tentes que tu serais capable de rentrer deux dans ton sac à dos parce que justement, c'est très compact, très petit, mais c'est un peu plus high-tech. Ça. OK. La plus grande majorité des tentes, ils vont avoir plus deux parois, une à l'intérieur qui respire parce que c'est juste du moustiquaire, puis l'autre à l'extérieur qui est une membrane imperméable qu'on appelle aussi double toit. Les deux séparés une de l'autre, c'est comme tu peux l'utiliser juste en filet, tu veux dormir semi à belle étoile sans avoir de moustiques d'en face. C'est ça, puis ça va aérer aussi en même temps ta tente. Parfois, le double toit, il est conçu de façon aussi à se prolonger un petit peu, pour faire un petit vestibule. Là. Fait que tu peux laisser tes souliers à l'extérieur. Un lobby, si on veut. Oui, c'est ça. Si tu as des souliers pleins de boîtes, t'es... Ouais, tu rentres pas ça dans la tente. Non, non, ben non. Souliers pleins de boîtes. C'est ça. Non. Puis aussi, si tu veux laisser du matériel au sec, puis tu veux pas non plus que ça prenne la place dans la tente. Ouais. OK. Bon. Les matériaux qui sont utilisés pour faire l'abri. Souvent, la paroi intérieure, c'est juste un petit nylon. Fait que c'est assez solide, ça absorbe pas l'humidité, ça résiste à l'abrasion, puis c'est pas trop cher. Pour les doubles toits, il va plus avec un polyester qui résiste plus aux rayons ultraviolets et à l'humidité. Donc, si possible, on essaie quand même d'aller mettre notre tente un peu plus à l'ombre, justement, parce que le soleil, le matin, ça va finir par faire comme déchirer la toile, parce que je veux pas... c'est du tissu. Ben oui, c'est ça. Au ça soleil. Déchire à un moment donné une fois, puis après ça, ben, tu t'apprends ta leçon, puis là, c'est fini. Quelques points de suture. C'est puis, hein. Ça. Non, mais même, de toute façon, juste pour le confort, là, mettre sa tente au soleil le matin, quand que... Si, à moins que tu te lèves au lever du soleil, là, si t'as l'intention de rester couché un peu après le lever du soleil, ouais. Si ta tente est au soleil, c'est pas long qu'il fait chaud à l'intérieur de ta tente. Ben oui, faut que tu fasses la conversation avec elle aussi quand c'est le matin comme ça. Oh, oui, c'est ta tente. Mais c'est vraiment un point à considérer quand que, justement, on part plus en randonnée. On essaye de spotter où est-ce que le soleil se lève pour se mettre à l'abri de ça, justement, pour pas que c'est ça qui nous réveille le matin à 3-4 heures. Donc, c'est ça. De façon générale, le plancher il est plus robuste et imperméable. Il y a des rebords qui montent pour éviter que l'eau rentre dans la tente. Mm-hmm. Ouais. C'est comme des ailes. Comme des ailes, oui. Des rebords. Un iPad. Ouais. Hein? Ah non, c'est okay. Là, c'était pas. Les fermetures éclairs sont plus facilement exposées à briser parce qu'ils sont placés souvent entre deux panneaux qui sont vraiment tendus. Je sais pas si vous avez déjà... par accident, lancer un ballon, quelque chose sur une toile, et ça rebondit parce que c'est assez tendu. Mmh. Là, c'est comme quasiment une toile de trampoline. Fait qu'idéalement, il faut choisir aussi des fermetures claires qui sont faites plus solides, sont faites de façon torsadée, fait que c'est plus résistant. La qualité des coutures aussi, c'est un élément important à considérer parce que quand la tente, quand les tissus sont tendus, ça risque plus de prendre l'eau, ça risque plus de déchirer. Il y a une cote d'imperméabilité qui est à regarder. Une tente qui a 5000 mm va offrir une plus petite résistance à l'eau qu'il y en a une qui a 10 000. Ben oui. Mais c'est le nombre de points par centimètre. Du linge normal, mettons, ça a 4 points par pouce, quelque chose comme ça. Ben, quand tu vas chercher un manteau plus haut de gamme, mais il va avoir 8 points par pouce, fait que ta couture va être plus serrée, fait que l'eau risque moins de rentrer. OK. Même chose pour une tente. Tente, oui. Ben, c'est ça. Généralement, les arceaux, dans le fond, c'est les petits bâtons de métal là, qui courbent de façon qu'on ne sait pas trop comment. Ils doivent être robustes, légers, puis un minimum de flexibilité. S'ils sont en fibre de verre, ils sont peu coûteux, mais un peu plus lourds, puis ils ont tendance à s'effriter. Donc, c'est pas vraiment la tente qu'on prend pour partir en randonnée plus aride. Là. Le fibre de verre, donc il y a quelque chose de plus léger dans le fond que le fibre de verre, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a le carbone qui est plus léger, plus robuste, c'est un peu plus cher. Ça peut être cassant si on les utilise pas de la bonne façon. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de manufacturiers qui préfèrent utiliser l'aluminium en offrant plusieurs alliages. Fait que ça va jouer sur le degré de solidité puis la légèreté. Je pense qu'on va prendre une pause avant que je me remette à rire. Là. OK. Mais ça, on a quand même réussi à tenir longtemps là, depuis le dernier rire. Ouais, c'est ça. Ça va, là. On avait repris un peu de sérieux. Peut-être qu'on va le perdre. Pendant quand t'as dit le mot semi tantôt, j'étais pas sûr que ça allait revenir, tu sais. Mais. On va croiser les doigts. Ouais. Merci, Émilie. Ben, ça fait plaisir, là. Ouais. Ouais, plaisir, ça fait plaisir. Oui, oui. y aller avec Méfie-toi, Méphisto dans Assemblage requis. Tantôt, la chronique plein air, difficile à écouter un peu par moment. Hein, c'est à cause de moi. À cause de vous. J'arrêtais pas de faire des jeux de mots poches. Hein. Oui. C'était plate. Hein. Non, c'était non, pas plate. Pas plate. C'était pas plate, c'était différent. C'était spécial. Ben non. Bon. Donc, la suite sera la semaine prochaine pour ceux qui veulent en savoir plus sur les tantes. Donc, la semaine prochaine, ça va être les oncles. À 8h30. Les oncles, cette fois-là. J'ai fait le même jeu de mots poche, ouais, la même blague dans celle-là. Donc, vous allez l'entendre sûrement. Mm. Ouais. Assez parlé de tantes. Par contre, parlons de photos. Oui, effectivement, Mathieu Plante. Il y a une exposition de photos de presse qui se déroule présentement, en fait, au Centre culturel Pauline Julien. Ça se trouve, en fait, au Cap de la Madeleine. D'ailleurs, en fait, dans l'exposition, l'exposition regroupe 40 finalistes des prix Antoine Desilets de photographie de presse de l'année 2009. Parmi ceux-ci, en fait, on retrouve un petit gars de la région, Olivier Croteau. Je sais pas si vous connaissez, en fait. Vous pouvez aller voir son site internet. Le gars, il est fantastique. Tabarouette, il sort des images là, pour vrai, là, exceptionnelles. Surprenantes. Ouais. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir son site internet. C'est Oli, O-L-I-C, pour Olivier Croteau, olicphoto.com. Et puis, sur son site, en fait, là, on retrouve différentes rubriques, que ce soit, en fait, au niveau de la presse, du surf, du skate, de l'escalade. Il y a même aussi des groupes de musique. Donc, un petit gars de la région là, qui il fait des photos exceptionnelles. En fait, juste pour faire un petit suivi sur sa carrière, lui, il a commencé en fait au niveau du nouveliste. OK. Puis juste ce truc-là, je pense qu'il avait un poste en plein. Et puis, il a quitté ça pour vraiment s'adonner en fait à sa passion qui est la planche en neige, en fait le snowboard. Donc lui, il fait tous les gros magazines, il fait les couvertures, ces trucs-là. Le gars, là, il est génial. Là. Même qu'à limite, je pense que j'aimerais ça le recevoir dans l'émission le matin. Ben, on va faire ça, je pense. Oui, au courant de la session, là, je pense que... Donc, O-L-I-C, photo. Photo.com. Olivier Croteau, tapez ça sur Google, à limite, il va vous amener au site internet. Sinon, il y a toujours l'exposition, en fait, qui se déroule présentement jusqu'au 25 septembre au Centre culturel Pauline Julien du Cap de la Madeleine. Parfait. Merci, François-Olivier. Maintenant, ben, on va se faire une belle petite chronique geek CNX à l'instant même. Et on tourne la roulette! Attention! Oh! Go Go Gadget! Oh! J'arrive plus tôt que je pensais, Go Go Gadget, tu sais. Go Go Gadget en fumeur! Gadget au chapeau! Go Go Gadget au poing! Qui c'est? Elastico Gadget! On va te roder ça, cette émission-là, toi, ça n'aura pas de sens. Ça part bien, la première entente, je suis satisfait. Moi aussi. Oui. Je pensais que ça allait être un peu plus dur, malgré que la fin me rattrape, là, présentement, là, mais oui. Ça se passe à l'intérieur de moi. Ton petit bagel prend pas beaucoup de place, maintenant. Non, mais céréales. T'es céréales? Oui. C'était quelle sorte de céréales? Embarquons-nous pas des affaires de tente, OK? Donc, allons-y avec des gadgets. Je trouve ça drôle de parler de ça. C'est vraiment cool. Commençons par quelque chose que t'as peut-être eu comme problème dans la vie, toi. Tes manettes ont pas de rétroéclairage. Hein? Ça se peut, ça? Tu sais que le clavier s'allume pas quand t'es dans le noir, mettons. Ta manette de jeu vidéo? Ta manette de télé. Ah, mais c'est pas un problème, en fait. Non. Chez son Houlipiton. Ouais, c'est ça, moi aussi. Puis ouais. La télé est assez lumineuse pour le montrer. Tout dépend de ce que tu coûtes, là. Mais... Ouais, c'est ça. Donc, le Pop-Up Micro Light, qui est une lumière LED adhésive qui illumine les vieilles manettes. Et là, ils ont fait une étude, eux autres. La compagnie, ils disent, Micro Light Tech, qui a environ 500 millions de télécommandes aux États-Unis et 450 millions de gens qui n'ont de manettes, donc qui n'ont pas de clavier rétroéclairé. Donc, le sondage dit que 90% des gens aiment regarder la télé ou des films dans le noir. Oui, donc, ça donne à rien, mais non, c'est mon point de vue. Tout à fait. 90%! Mais 90! Puis je pense que ces gens-là vivent bien quand même. Sûrement. Un autre problème que tu as qui est peut-être plus sérieux, c'est les canons sur ta voiture, les lumières hautes, là, les hautes, pour voir la nuit, pour pas frapper des animaux. Là. T'appelles ça des canons? Comment ça t'appelles ça le vrai mot pour ben ça? Les hautes. Les hautes. Ouais. OK, je pense à un nom. En tout cas, regarde. Donc, tu te promènes le soir et là, tu dois allumer tes hautes. Ouais. Mais t'aveugles les autres sur la route. Ouais. Tu sais? Les autres. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est pas ça le but, c'est éclair. En tout cas. Bref, il y a une compagnie. compagnie qui a pensé à cette idée-là, Valeo SA, qui a développé un nouveau type de hôte qui utilise des caméras à bord pour détecter les autres voitures sur la route et ensuite bloque la lumière dans seulement leur direction. Donc, tes canons, tes lumières hautes là, vont détecter qu'il y a une voiture et ils vont faire un U à la place avec ta lumière au lieu de faire un grand pan de lumière devant toi. Donc, ça aveuglera pas les autres, mais j'imagine que les leurs vont t'aveugler toi. Exactement, exactement. Et puis ça, à moins 30, hein, je sais pas ce qui... Mais bon, c'est un bon point, ça parle pas Québec. Un autre problème que t'as peut-être, c'est une friteuse. T'as pas envie de manger de la vieille huile ou tu sais, de l'huile à un moment donné, ça peut causer des problèmes. Là, ça peut être difficile tout le temps remplir ta machine d'huile, tu sais. Mais je t'arrête un peu en fait. C'est ce qui fait le goût. Oui, hein? Mais une bon. Pizza pochette là, dans la friteuse. Là. Ah, pas assez. En tout cas. Donc, Tefal, leur machine s'appelle ActiFry. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. C'est vraiment cool. C'est une cuillerée à thé d'huile ou encore même pas d'huile du tout, dépendant de la nourriture que vous allez faire avec. Ça utilise une nouvelle technologie qui a été révélée récemment. Rapid Air Technology, c'est le nom. Et ça fait circuler de l'air chaud autour d'une composante genre grill, ce qui crée des repas avec 80% moins de gras à l'intérieur, mais tout aussi délicieux, disent-ils. Non? Ben, peut-être. Un problème que t'as dans la vie aussi, peut-être, c'est un ventilateur dans ta maison. Tu trouves ça laid de voir des pales, des pétales, comment t'appelles ça? Ben, les ventilateurs, tu parles les plafonniers, en fait, au plafond. OK. Exact. Donc, t'aimes pas ça quand il fait pas chaud de voir ces palettes-là. Ouais, c'est ça. Donc, le Air Shadow de Fanimation vous permet de faire entrer les palettes à l'intérieur de ça et ça devient une lampe seulement, donc au plafond, au lieu d'avoir des palettes tout le temps. Ça vient de Delmar Designs, $559. Ça doit être une grosse lumière, par exemple. Hein? Ouais, ça doit être un deuxième soleil. Hein? Ouais, c'est ça. Ça s'appelle le Air Shadow de Fanimation. Voilà. Le site où vous pouvez lâcher, c'est Delmar Designs. Les liens sont sur assemblagerequis.com, évidemment. Pocket CPR, un autre problème que tu as peut-être, c'est de réanimer des gens quand ils sont presque morts. Tu sais. Ça m'est pas arrivé. On dirait que j'ai pas de problème. Mais... T'es chanceux, Adam. Ouais, ouais. Donc, si jamais il y a une urgence et vous devez performer la réanimation cardiaque, là, c'est un petit gadget qui a un accéléromètre à l'intérieur, donc qui détecte la pression, la distance. Quand vous partez, il y a comme un métronome dedans qui vous dit quand appuyer dessus. Et ça détecte sa profondeur, dans le fond. Tu sais, au niveau où tu pars, quand tu mets la machine sur la personne et quand tu pèses, ça détecte le nombre de millimètres, genre. Et en quoi ça... Ben, parce qu'il faut que tu fasses les pressions au bon timing quand tu fais une réanimation cardiaque. Je suis d'accord avec toi, mais ça se déroule quand même assez vite. Là. Tu peux pas sortir ta patente puis regarder sur l'écran combien de millimètres je vais peser pour voir s'il va peut-être se réanimer. Peut-être. Je pense que t'attends à ce que tu transportes dans ta sacoche, peut-être. Ah, peut-être. En tout cas. Peut-être. Et encore là, j'ai pas de sacoche, là, mais... Il faut que tu t'achètes une sacoche juste pour ça. Peut-être en fait. Un jour, ouais. Le Pocket CPR approuvé par ceux qui approuvent ces affaires-là, $149. Donc, mais ça vous dit, par contre, sur l'écran, que c'est « Training Use Only », donc c'est pas encore approuvé. Ben c'est ça, la méthode est approuvée, mais c'est pas encore commercialisé ou peut-être professionnel. Peut-être que ça remplace pas les services d'urgence. Voilà. Ah non, c'est sûr. C'est sûr que non. Dépêchons-nous. Tu sais, une table, des fois, t'as froid au Québec surtout. T'as froid à tes cuisses et à ton torse à la table quand tu... Non? Non? Ben, peut-être, là. Peut-être. Donc, c'est une table qui vient de Hidakagu, qui a une lumière à 360 watts. C'est un réchauffe à infrarouge en dessous de la table. Pas pour réchauffer ton repas, c'est pour réchauffer vraiment tes cuisses et ton torse. Selon Inventor Spot, la table a été inspirée par un kotatsu japonais traditionnel, qui est une sorte de combinaison de table, de couverture et de chaufferette, si on veut. Mais qui est pas faite pour manger à la table, donc ils ont combiné ça dans une table pour faire ça. Mais là, c'est juste une lumière qui se trouve en dessous de la table, en fait. Infrarouge. Comme un peu dans les supermarchés où est-ce qu'on voit le poulet, ça tire au chaud. Et en même temps, ça te brûle pas les cuisses, ça. Non. On veut juste réchauffer, ouais. Tenir à une température. Ouais. Peut-être griller, ça pourrait être popé aussi. Ah, ben pour ceux qui veulent bronzer, j'avoue. Penses, tu réfléchis, popé. Geffen TV Auto Volume Stabilizer, c'est un stabilisateur de volume pour la télé. Mais est-ce que ça a de particulier? Quand tu regardes la télé, des fois, tu te dis, les pubs sont trop fortes. Ça, c'est bon, ça. C'est ça, ça m'arrive souvent. Donc, Geffen qui vend ce produit-là pour $179. Ça utilise la technologie Dolby Volume pour détecter et modérer les volumes de son pour maintenir un volume complètement au même niveau tout le long. Ça a des entrées et des sorties, Toslink, Spediff et un paquet d'autres termes techniques. Entrée et sortie à deux canaux. Vous pouvez brancher ça sur un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, la télé, n'importe quoi. Et puis ça. La télé, le câble, ça fonctionne, mettons? Ça a des entrées de son, tout ce qui est le plus commun. Là. Ça a des sorties tu plugues dans ta TV. Moi, j'ai pas toutes les prises exactement. Je vois un bypass dessus. En tout cas, bref, j'ai pas tous les détails des prises, mais oui, c'est bonne invention, ça. Très bonne invention. Ta meilleure, en fait, aujourd'hui. 180$ pour ça. C'est cher. Et puis, pour terminer, je vais en prendre un petit dernier. Allons-y avec, pour le iPhone. Si vous avez un iPhone, tu as un iPod Touch. iPhone, tu as un iPhone, c'est vrai. C'est un petit clavier. On est frères de iPhone. Tu peux insérer ça dans une espèce de petit clavier à la téléphone, tu sais, que tu peux comme glisser le clavier en dessous, là. Tu sais, les téléphones où tu as un clavier, puis là, tu peux comme taper. Là, tu mets ton iPhone ou ton iPod. Ben, je pense que c'est ça avec un iPhone, en tout cas. Tu le mets dans le petit plastique, et puis là, ça te met un clavier à glissière dessus. C'est super cool. Mais là, pourquoi? Ben, il y en a un clavier avec? Ouais, mais il faut que tu tapes à l'écran. Il y en a qui aiment mieux les claviers avec touche. Ah. Ça coûte 69$, ça va être disponible près de Noël. Bluetooth, et puis il y a même une batterie à l'intérieur du petit gadget, du clavier qui s'attache avec. Donc, ça va pas prendre la batterie de votre iPhone pour rétroéclairer le clavier parce qu'il y a un clavier rétroéclairé sur le truc. Comme ça, tu peux taper dans le noir, mais avec un vrai clavier physique avec des touches qui font des clics, clics, clics, clics, clics, clics. Hein? T'aimes ça? T'aimes pas ça? Ben... J'aime mieux ton truc qui module le son. Là. Bon, d'accord, ben tu l'achèteras. Ben ouais, c'est sûr. Voilà. Je laisse les liens sur assemblagerequis.com. Tous les liens de la chronique CNX d'aujourd'hui sont là et c'est super facile à trouver sur assemblagerequis.com. Nous, ben c'est la fin d'Assemblage Requis pour aujourd'hui déjà sur cette note-là. Oui. Hey, en fait, on remercie nos commanditaires qui est en fait les services aux étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières et puis la Banque nationale. Bien sûr. Oui. Donc, bonne émission. Première émission. Ça va bien. Ça va bien. Demain, à l'émission, on va avoir notre bonne amie Audrey Tremblay, la rédactrice en chef du journal Zone Campus. Elle va venir nous parler du journal qui vient tout juste de sortir, là. Il est tout chaud. Tout chaud, tout ferait imprimer, toi. Avec une nouvelle équipe aussi. Oh que oui. Sinon, demain aussi, le retour de CNX, il va y avoir une chronique C'est un fait. Là, on va recommencer à faire des chroniques C'est un fait à partir de demain. François va commencer le tour des actualités demain aussi. Oui, en fait, je vais passer grosso modo. Je vous parle aussi demain là, du festival Envol et Macadam. Ça déroulera à Québec jeudi, vendredi, samedi. Mm-hmm. Nous, on va être au chapiteau du QTR sous chapiteau toute la journée. Aujourd'hui, sous la pluie. Avec des hot boys. Hot boy. Hot boy. On va passer le journal. Ouais. Restez à l'écoute parce que tout à l'heure, Danny Janvier va commencer la nouvelle édition du Dîner de compte. Dîner de compte, en fait, de 11h à 1h, à 13h. Et voilà. Et nous, ben, de retour demain matin à 7h, on se quitte avec Metagrio et la pièce Banana. Banana. Bonne journée. See you. See you later, alligator. Non. Alligator, t'as pas. Oui. T'as pas, je t'appelle alligator? Non. Sois ça cute. Oh. Oh. Guili-guili avec des petites dents. Comme les petits chats qui jouaient à Dokkan tantôt. Et ça, il y avait un chat qui jouait aux jeux vidéo sur son écran. Ça, on s'en reparlait tantôt. Je remercie Maxime de Muller-Amé, je remercie Stéphanie Gagné. Oui, merci. Bye.